Z comme zèle. Le zèle, c'est le désir ardent de faire connaître Dieu et de le faire aimer. Divin Jésus, nous vous quittons, mais nous n'oublierons pas les leçons que nous a données votre enfance. Nous nous efforcerons d'en profiter. Nous serons des enfants pieux, obéissants, doux, laborieux et sages, et nous ferons, en vous imitant, la consolation de nos chers parents qui nous apprennent à vous aimer. Bénédicité. Avant chaque repas, Jésus, Marie et Joseph remerciaient Dieu du pain qu'il leur donnait. Leur table était pauvrement servie, mais ils se contentaient de peu. Combien d'enfants ne pensent pas à rendre grâce à Dieu pour une nourriture abondante et délicate? Combien se plaignent lorsqu'ils ne sont pas servis à leur goût et selon leurs caprices? Combien ne réfléchissent pas que beaucoup de petits enfants pauvres seraient bien heureux de manger ce dont ils ne veulent pas?